volonté de réussir dans tous les milieux. Quoi que tu fasses, tu sauras aider et jamais seul. Des ailes, puis j'évacue, je reviens. Je peux pas dire que ma vie soit belle, mais bon, je l'accepte, c'est à écrire que je m'en remets. Désormais, fini l'époque quand je dormais. Ma vie a son but, mon oral qui se fait ressentir. Ce serait se mentir, laisserai personne me ralentir. J'entends les gens dire, murmurer, parler sur moi. Je passe mon temps à écrire, puis sachez que je le fais pour aucune moi. Aucune peur, aucune crainte ne doit faire face.